capsule rock metal avec Dominique No. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième édition de la capsule rock metal. Mon nom est Dominique No, en direct de la décrépitude de grand-mère. Donc, c'est par une nuit sans lune qu'on célèbre le 40e anniversaire du premier album de Bathory, intitulé Bathory, qui est paru le 2 octobre 1984. C'est par des amis qu'on a connu cette band-là, peut-être l'année suivante. On avait des amis qui allaient à l'école anglophone à Shawinigan. Et puis, on se réunissait tous les vendredis au Parc Saint-Paul à Grand-Mère sur un tapis de vitre cassé pour jaser de musique, boire des bières et puis partager notre passion. Et puis, à un moment donné, les gars sont arrivés avec cette cassette-là et Nicky, les deux yeux virés à l'envers, dit « Que c'est bon, Bathory! Bathory, mais qu'est-ce que c'est que Bathory? » Donc, on a réussi à mettre la main sur la cassette. Probablement, c'est une cassette enregistrée, là. Probablement que c'était Nicky ou un autre ami qui nous l'avait prêté, là, de cette gang-là, qui allait à l'école anglaise. Fait que, quand on écoutait ça, on a tombé sur le derrière, là, parce que c'était très incisif, abrasif, avec un vocal dead, puis des vocales comme ça, on n'entendait pas souvent, là. C'était vraiment étrange, mais ce qui était quand même étrange, que même si avant j'avais eu beaucoup de misère avec Venom, ça a rentré tout de suite. J'ai compris tout de suite, c'était tellement puissant, puis c'était tellement horrifiant en même temps, parce que ça sortait de nulle part, puis c'était de Satan, démon, puis tout avec... plus tard, on a vu la pochette, là, qui était comme une espèce de chèvre-loup, si on veut, là, avec des cornes, puis c'était vraiment spécial, fait que ça m'a intrigué, sur le coup, Bathory, puis là, je me demandais, c'est quoi ça, Bathory, puis j'ai fouillé dans mon dictionnaire, parce qu'à l'époque, j'avais tout le temps deux dictionnaires, un anglais-français, puis mon autre dictionnaire, puis ça, c'est venu en découvrant... Iron Maiden, tous les trucs du genre Rush, que je voulais comprendre les paroles. Puis il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas à l'époque, donc j'étais tout le temps dans mes deux dictionnaires. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le nom Bathory, parce que c'était dans les noms propres. J'ai fini par découvrir dans les noms propres que Bathory, c'était Elizabeth Bathory, en fond. C'était une femme de la noblesse hongroise. Puis, c'est ça, la rumeur ou la légende là, dit que c'était une femme qui prenait des bains de sang pour sa jeunesse éternelle. Ça, on va y revenir là-dessus. Alors, écoute, c'est quoi ça, Quarten? C'est le chanteur du groupe, c'est lui le maître de cérémonie pour ce band occulte-là. Donc, Quarten, il est né en 1966. Dans la ville de Villingbu. C'est de là que vient justement Bathory, tu sais. Et puis dans le temps, il y avait un drummer puis un bassman avec lui, mais c'était des gens, comme Quarten l'a dit dans une rare entrevue, c'est rare, c'est difficile de trouver des entrevues de Quarten. Il en avait fait une sur MTV en 1990 pour la sortie de son vidéo One Road to SAB. Donc, c'est ça, Quarten, il y avait deux amis qui trippaient plus sur Saxon, puis sur Iron Maiden, puis sur des trucs du genre, puis lui, il travaillait, Quarten, il avait un petit job dans un petit studio qui s'appelait le studio Typhon Gramophon. Il avait un petit job là-dedans, c'était comme un garage qui avait été converti en studio, là. C'était vraiment dans le plus simple, là, à l'époque. Et puis, le patron du studio, lui, est en train de faire il faisait une compilation de groupes. Il y avait cinq groupes qui faisaient chacun deux chansons sur sa compilation qui s'appelait Scandinavian Metal Attack. Donc ça, c'était en 1984. Quarton a assisté à toutes ces sessions d'enregistrement-là parce qu'il y avait son petit travail qui est dans ce studio-là. Mais tu sais, c'était des groupes qui jouaient... on était sur le bord du power metal, là, tu sais, là. Dans ces trucs du genre-là, là, tu sais. Les voix claires, si tu veux. Peut-être un petit peu speedé, là. Il y avait des groupes, les groupes qu'il y avait là-dedans, c'était Oz, le groupe Trash, le groupe Spitfire, le groupe Zero Nine. Et puis, il y avait une autre band qui, finalement, se sont désistés à la dernière minute. Donc, le patron se retrouvait avec un band manquant. Donc, Quarton offre. Il dit, je pourrais le faire, le groupe qui te manque. Il dit, j'ai mon band, puis tout, puis on pourra faire ta compilation. Fait qu'il réussit à convaincre le patron. Fait que Quarton s'amène, mais là, il était tout seul. Parce que là, ses deux chums l'avaient lâché. Là, ses tripeux de Saxon puis de Maiden l'avaient lâché. Il était parti, un autre était parti dans l'armée, puis l'autre était parti dans un band plus heavy metal conventionnel, si on veut. Faut dire qu'en 84, on est à l'apogée de... La British New Wave of British Heavy Metal. On était à l'apogée de ça pas mal en 84. Ça commençait à être sa pente descendante, puis il y avait des nouveaux styles qui arrivaient comme en Amérique, t'avais Metallica, puis des nouveaux sons. Et puis là, Quarton ben, réussit à convaincre le patron, mais quand il a commencé à enregistrer, il l'a regretté. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que là, des voix gutturales en 84, c'est quand même assez rare. Puis c'est pire que Venom, là, c'est vraiment, là, ça défonce tout. Fait que Quarton a quand même enregistré deux chansons. La chanson Sacrifice, qui est sur le premier album, mais est différente. Elle est plus lente un peu, puis moins punchée, là. Puis il y avait une autre chanson aussi qui s'appelle The Return of Darkness and Evil. Ça, on sait que The Return, c'était le deuxième album de Bathory. Mais la chanson est complètement différente. Là. C'est pas une chanson qui se retrouve sur l'album. C'est une pièce qui ressemble un peu à Whiplash, là, si on veut, de Metallica. C'est un peu dans le genre. Puis c'est la dernière pièce. Fait que le label, Typhon Gramophon, et le patron de Quarton sortent ça en 1984, la compile. Et, à sa grande surprise, les fans écrivent en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette band-là? C'est donc bien sensationnel, c'est original, ça graphine, on en veut encore! » Puis là, tellement surpris que là, il demande à Quarton, il dit « Veux-tu enregistrer un album? » Quarton est tout seul. Il faut qu'il se trouve du monde. Il réussit à recruter deux personnes. Et ces personnes-là qui l'ont aidé pour enregistrer, il y avait Quarton, évidemment, à la guitare et aux voix. Il y avait Richard Bergman à la basse et Stephen Larson au drum. Donc, ils ont enregistré le premier album au studio Typhon Gramophon. Et puis, le label, ben là, le label, c'est sur le label Black Mark, qui est un label que Quarton a inventé, mais en réalité, c'est Typhon Gramophon, le vrai nom, mais lui, il se disait qu'étant donné que ça, c'est pas connu, on va prendre le label Black Mark, puis ça a resté pour les trois premiers albums, ça a été le label Black Mark. Pour ce qui est de la suite, je sais pas, parce que moi, j'ai débarqué après. J'ai aimé les quatre premiers albums, puis après ça, j'ai débarqué un peu de ça, à cause de la voix de Quarton qui t'a rendu trop... Ah, ça broyait, enfin, j'aimais pas trop ça, tu sais. Fait que... J'ai commencé à écouter, puis là, il a sorti 3, puis 4, puis albums, puis ces albums-là, le premier au quatrième, surtout, je parlerai pour le black metal en particulier, là. Ça, c'était le début, c'était le coup d'envoi pour le black metal. T'sais, même si le terme black metal a été inventé par Venom, avec un album paru juste avant, il reste que la signature de Bathory, la signature de Quarton, sa manière, son playing, sa voix, puis tout, ça l'a formé, ça l'a créé le style black metal, surtout en Scandinave, là, si on veut, là, comme en Norvège, en Suède, en Finlande. Là. Donc, quand on parle de des bands comme Mayhem, Dark Throne, Gorgoroth, Emperor, Burzum, Satyricon, Immortal, bien sûr, et Enslave, C'est tous les petits-enfants de Quarton puis de Battery. Ça. L'influence est directement liée, puis le son, tu l'entends. La petite signature, comme que je dis, de Battery est là, dans ces groupes-là. Donc, si vous êtes né après 1984, je vous suggère, puis vous connaissez pas ça, Battery, puis vous êtes un tripeux de ces bands-là que je viens de nommer, là, de tout le black metal scandinave, ben, allez écouter le premier album de Battery. C'est vraiment spécial. Avec sa pochette. Il y a eu 1000 copies pour la première pochette du premier album. Là. Il y a eu 1000 copies, puis Quarton voulait son espèce de chèvre démon loup là, avec des cornes en gros plan. Il voulait qu'il soit doré, couleur dorée. Mais là, à cause d'un problème d'argent, puis c'était compliqué de faire une pochette dorée comme ça, mais là, Quarton a dit à la personne qui s'occupait de ça, tu vas me faire ça pour que ça soit le plus proche de or, de doré. Il y a une contradiction par rapport au dessin, parce qu'il y a, sur un endroit, j'ai vu que ça c'était fait par Joseph A. Smith, et puis, une autre place, sur Wikipédia, ils disent que c'était fait par les membres du groupe. Fait que, mais il n'y a pas beaucoup, c'est difficile de trouver des reportages, des choses sur Quarton ou sur Battery, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ben souvent, tu vas avoir deux reportages différents sur YouTube, mais avec le même narratif, avec la même entrevue que Quarton a faite en 1990 sur MTV, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, ben le gars qui a sorti la pochette, ben là, c'était jaune. Tu sais, la bébite était jaune parce que c'était le plus proche de doré. Puis Quarton, il était vraiment pas content puis il trouvait ça lettre. Ben là, qu'est-ce que tu veux? Il arrête aussi bien de faire ça noir et blanc. Fait que c'est ça. C'est cet album-là qui a sorti les 1000 premières copies et c'est là que ça a vraiment parti pour le black metal. Pour le groupe Battery. Et là, Elizabeth Battery, bien sûr, qui est le personnage principal pour le nom et la référence, si vous voulez, pour les textes et pour tout ce qui est du satanisme, de meurtre, de torture, de tout ce que ça peut parler là-dedans. Donc, c'est qui ça, Elizabeth Battery? Ben, c'est une femme de la noblesse hongroise là, qui est née en 1560, c'est ça. Et puis, Elle s'est mariée ensuite avec un monsieur, un comte qui s'appelle Ferenc Nadasdi, qui est un guerrier, là, si on veut, là, qui était toujours parti au combat. Les autres, les Hongrois se battaient tout le temps contre les Ottomans, les Turcs, et même les familles hongroises. Ça, ces familles, la famille Báthory, la famille Nadasdi étaient ensemble contre d'autres familles hongroises. C'était la guerre, si on veut, en permanence. Et puis, d'ailleurs, le comte Ferenc Nadasdi a eu le surnom de Chevalier Noir par son sadisme, par sa cruauté au combat et puis tout ça. Fait qu'ils disent, la légende dit que c'est à partir de, à cause un peu de son mari, si vous voulez, le Chevalier Noir, que Elisabeth aurait commencé à développer des goûts pour la torture, pour des choses-là, mais il faut dire que c'est une femme très belle et très brillante. Là. Ça, c'est reconnu historiquement. Là. C'est une femme qui parlait d'ailleurs 5 langues. Elle parlait le hongrois, le slovaque, l'allemand, le grec et le latin. Alors, son mari, M. Nadasdi, il a acheté un château pour leurs noces, le château de Kaštice, qui est en Slovaquie. C'est un château qui est à moitié détruit, là, c'était comme des ruines, si on veut, il restait juste les murs, là. Mais à la suite de la mort du Chevalier Noir, qui, selon certains, était mort de maladie, ou il a été prouvé par une autopsie que le Chevalier Noir, M. Nadasdi, est décédé d'un empoisonnement au mercure, parce qu'à l'époque, il... c'est de même qu'il soignait les blessures, les gens avec du mercure. Non, mais ça a changé la science, ça a évolué, la médecine, et puis tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, avec l'héritage qu'elle a eu, ben, Elisabeth a décidé de faire rénover le château de Kaštice. Et elle s'est installée là. Puis c'est là qu'ont commencé vraiment les rumeurs comme de quoi qu'elle torturait les gens, comme de quoi qu'elle tuait des gens. Ils trouvaient des gens morts alentour du château enterré avec le crâne fracassé puis des choses comme ça. La légende, on parle de légende, là. La légende dit qu'elle aurait fait 650 victimes, OK? Ça n'a jamais été prouvé, d'ailleurs. Il y a même eu une enquête à un moment donné qui a été faite contre elle quand elle est devenue veuve. Parce que là, c'était plus facile de s'attaquer à elle, parce que là, elle avait plus son mari, puis le défunt M. Nandazdi n'était plus là. Fait que là, il a commencé à avoir une enquête sur elle à propos de meurtre, de torture, de cannibalisme et de vampirisme. On disait même qu'elle prenait des bains, parce qu'elle, à 44 ans, elle voulait la beauté éternelle. Donc, qu'elle prenait des bains de sang. Puis c'est pour ça qu'elle avait besoin de tuer des gens. Mais, tu sais... pour prendre un bain de sang, il faudrait égorger 30 personnes. Tu sais, 5 personnes le voient et 5 personnes le sachent. Là, t'sais. Fait que, on peut douter que c'était vrai, mais c'est quand même la légende qui est là, qui fait que Bathory s'est inspiré de ça. Puis aussi Venom avec leur chanson Countess Bathory. Là, t'sais, là. Puis Elizabeth Bathory est décédée le 24 août 1614. Puis ses restes ont disparu. On l'a jamais retrouvée. Elle aurait été enterrée près du château. Et puis ensuite de ça, elle aurait été transportée ailleurs. Ils ont finalement trouvé sa tombe. Puis sa tombe a été... Le corps a été volé dedans. Quand ils ont sorti le tombeau, il était vide. Donc des personnes ont volé le corps pour des raisons XY, que ce soit pour faire des messes noires ou pour le trip ou on sait pas trop quoi. Mais toutes ces légendes-là de vampirisme, de cannibalisme, de torture... C'est apparu un siècle plus tard qu'à sa mort. T'sais. Fait que faut en prendre puis faut en laisser. Ce qui est vrai, c'est que c'était vraiment une femme qui a vraiment eu une enquête contre elle, mais les gens qui travaillaient pour elle, ses serviteurs et puis tout ça, ben ils étaient torturés. Fait qu'ils ont fini par avouer que oui, c'était vrai, mais sous la torture, tu vas dire n'importe quoi à un moment donné. Fait que ça a quand même resté cette espèce de. D'aura là, noire là, de Elizabeth Bathory, puis c'est de ça que s'est inspiré beaucoup Quarten pour son groupe. Et ça reste que c'est une personne qui avait tout légué à ses enfants, donc ils n'ont pas jamais pu rien saisir d'elle. Quand elle est morte, quand elle a été condamnée, puis quand elle est morte, elle est morte à son château, elle a été enfermée dans son château, elle n'avait pas le droit de sortir, elle est décédée là. Elle avait tout légué à ses enfants, donc ils n'ont pas pu rien ramasser d'elle, il n'y a pas rien resté. Ses enfants ont tout gardé. Fait que c'est quand même une histoire fantastique, puis il faut dire que c'est elle qui a inspiré Dracula. Là. Plus tard, là, le film Dracula, ça a vraiment été inspiré de Madame Elizabeth Bathory. Donc notre ami Quarton s'est bien inspiré de ça, et puis pour son album, et puis là, écoute, là. Quand j'ai entendu ça, l'album, là, c'est parce que c'est juste des hits qu'il y a là-dessus. Là. Ça part avec Hades, que c'est incroyable comment que c'était rapide en 84, puis violent, puis méchant. Puis après ça, Raise the Dead, qui est un des plus grands classiques de Bathory. Necromancy, War Sacrifice... In Conspiracy with Satan, The Reaper, War. Tu sais, c'est un album qui même s'il est maladroit un peu, là, parce que des fois, ça s'en va. Oui, c'est sur le quimbin, là, on dirait qu'on a mal au cœur un peu avec le drum, surtout dans les parties rapides. Là. Mais même, c'est ça qui donne tout son charme, tu sais, un peu comme le premier album de Creator ou le premier album, le premier EP de Sodom, tu sais. Oui, c'est un peu croche, ça sonne un peu bizarre, mais ça vient nous chercher parce que nous autres, on était des fervents de nouveautés, on voulait quelque chose de nouveau. On commençait à triper sur Metallica, puis on connaissait pas tout à fait encore Slayer, puis on a été abasourdis quand on a entendu ça, Bathory, puis ça a toujours resté. Puis moi, j'ai gobé là, les quatre premiers albums, aller jusqu'à l'album Blood Fire Death, qui est le quatrième. Après Blood Fire Death, Blood Fire Death, c'est une transition, si on veut. C'est ce qu'expliquait Quarton. Il dit démon Satan, je commence à être un peu tanné. Puis tu sais, moi j'ai des racines, je suis en Suède, puis mes racines vikings, puis j'ai le goût un peu de parler de ça. Il dit j'aurais deux choix. Il dit je pourrais continuer à faire la musique que je fais là présentement. Pour plaire à une poignée de pur et dur, puis peut-être faire plus d'argent, ou vraiment m'en aller pour faire ce que j'ai à cœur, ce que j'ai le goût de parler, puis j'ai le goût de parler de mes racines, puis j'ai le goût de parler des Vikings. T'sais. Faut dire que l'histoire des Vikings est riche, même si ça a duré quasiment juste 100 ans, tu sais, de 900 à 1000 environ. L'histoire des Vikings commence dans les années 900, puis ils ont eu des combats, il y a des victoires en France, en Angleterre, puis tout, ils ont descendu, ils sont ramassés en Orient, ils ont été jusqu'aux portes de Constantinople, mais les Vikings n'ont jamais traversé à Constantinople parce que il n'aurait pas réussi à battre cette gang-là qui était beaucoup plus avancée qu'eux autres. Puis finalement, ben, c'est de même que les Vikings, ça a fini, c'est que ils se sont mêlés à ces peuples-là, puis ça s'est dissolu là-dedans. Fait que c'est de même qu'ils sont disparus, les Vikings, mais il reste que pour tous les groupes de black metal scandinaves, ça, c'est leur histoire, ça fait partie de leur histoire, puis eux autres s'en inspirent beaucoup pour tout le côté sanglant, puis le côté métal, tu sais, c'est ça, on va dire, il faut que ça soit méchant pour être métal, puis un des plus méchants, en 1984, avec Venom, c'était vraiment Bathory, puis ça a fait des petits. Donc moi, je vous dis, pour le 40e, même si vous l'avez écouté 1000 fois, ou si vous ne l'avez jamais écouté, ben je vous dis, allez écouter le premier album de Bathory, avec notre ami Quarton, qui malheureusement est décédé trop jeune en 2004 d'une crise cardiaque. Puis ça, c'est bien dommage. C'est bien plat. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Puis je vous dis à dans deux semaines pour une autre capsule rock metal sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Donc, je vous dis à prochaine. Ciao, bye.